n'aurait pas construit la tour de Babel, et d'ailleurs on n'y aurait pas songé tout court. Le bonheur est ailleurs. On aurait fait un bar, un bal. C'est mal barré, ma gueule. Qui c'est qui a inventé des balles pour se tirer la gueule? On aurait été n'importe où, juste pour essayer les décors. On n'aurait pas fait plus les fous, car on a pété le record. Et au jardin des relations, sûr qu'on n'aurait rien arraché. Jardinier en toute saison, je veux dire, vous êtes pas des fumiers. On n'aurait pas glorifié la foire et la culture du je me démarque. Le cul fait vraiment peine à voir, s'agenouiller devant des marques. Et les médias nous le martèlent, info débile et plus partout. Je me dis que plus c'est le bordel, plus un silence veut dire beaucoup. On n'aurait pas fait des maisons avec des murs comme par milliards. Quand les murs s'effondreront, ça nous fera peut-être un peu bizarre d'apercevoir genre l'horizon et nos voisins peinards, comprenant qu'en fait leur prison, elle n'était que dans leur regard, dans leur regard.